Salut à tous, bienvenue dans Overdrive. C'est parti pour 90 minutes de musique qui pulse sur le 895 de Radio Dio. En ouverture, Saxon avec son album Dogs of War, originellement paru en 1995, dernier album sur lequel figurait le guitariste Graham Oliver. Avant de se faire congédier, il a essayé de vendre à l'insu du groupe des bandes du concert de Reading 1980 et de se faire un petit peu d'argent. Bien entendu, quand Biff a entendu parler de ça, il a dit adieu au guitariste à la coupe afro. Maintenant, dans Overdrive, une émission avec pas mal de nouveautés et également des petites annonces. KK's Priest, maintenant, bien entendu, Kane Downing de Judas Priest, avec là le deuxième album de la formation du guitariste anglais. On retrouve à la guitare le père Tim Reaper Owens, qui avait officié dans les années 90 au sein de Judas Priest. Il avait bien entendu succédé à Rob Halford et avait sorti deux albums, Jugulator et Demolition, avec le groupe britannique. Voilà, ils nous sortent là un deuxième album qui est du pur jus, du Priest pur jus, bien entendu. Et on retrouve, ça fait plaisir de retrouver la patte du guitariste Ken Downing. Ce sera Hymn 66 par cet album. Sur cet album, The Sinner Rides Again. Yes, KK's Priest in 66, extrait de cet album The Sinner Rides Again. Ça vient de voir le jour sur Napalm Records, ancien guitariste de Judas Priest. On retrouve également le chanteur Tim Ripper Owens qui a officié dans le combo anglais au milieu des années 90. Il avait eu la lourde tâche de remplacer Rob Halford à l'époque. On rappelle qu'il a aussi fait partie de Eisterf. Il a monté de nombreux projets. Il a chanté pour Yngwie Malmsteen, pour également ce superbe groupe The Charred Waltz of the Damned. Il avait monté un cover avec les anciens membres de Dio qui s'appelait Dio Disciples également. Voilà pour KK's Priest in 66. On va passer aux Islandais de Vintage Caravan pour les amateurs de classic rock, de bon vieux rock qui... on va dire groove un max, ce sera Can't Get You Out of My Mind par le groupe Vintage Caravan dans Overdrive Radio Duo. Yeah. Yes, The Vintage Caravan, tout en groove, tout en côté classique rock, où ça dégorge de feeling, comme on dirait, avec Can't Get You Out of My Mind, tout de suite en live. Ça sort sur le label, encore une fois, Napalm Records, The Night Ranger, maintenant dans Overdrive, avec quelque chose d'assez inhabituel pour le groupe américain. Ce sera 40 Years and Alive with Contemporary Youth Orchestra, sur lequel on retrouve un joli morceau de Hard FM avec une touche orchestrale, ce qui donne un côté très très mélodique, bien entendu, mais qui n'oublie pas pour autant le gros son. Night Ranger, ce sera dans Overdrive pour sa partie la plus mélodique, dira-t-on, avec 4 Revelation 4 AM. Place to be. Et maintenant, ce sera au tour de Sorcerer avec The Reign of Fear pour du heavy metal pur et dur, du heavy metal à tendance sombre et lourde dans la veine d'un Candlemass. Ce sera Sorcerer pour un excellent, excellent groupe suédois qui nous revient avec ce dernier album, Reign of The Reaper, tout de suite, qu'on va envoyer tout de suite pour une petite leçon de heavy metal sombre et lourd. Kneeling bow. Quoi de mieux pour succéder à Sorcerer que ce SAG avec un morceau en live, House of Worship, maintenant dans Overdrive Radio Duo. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Heavy Metal de la radio stéphanoise. C'était extrait de cet album live, Demons EP. On continue maintenant avec du français. Ils seront demain soir du côté de du Rock'n'It de Lyon. Ce sera Furies avec le groupe stéphanois Animalize. Furies nous revient avec un nouveau line-up, un nouveau guitariste, nouvelle chanteuse, nouvelle bassiste, et nous sortent un nouveau morceau. Plusieurs morceaux ont déjà été diffusés avec différentes chanteuses invitées. Donc ces morceaux ont été enregistrés avant que la nouvelle formation ne se consolide. Et on retrouve ici plusieurs chanteuses invitées. On a Brittany Slays. Brittany Slays, il s'agit de la chanteuse canadienne qui officie dans ce groupe canadien Unleash the Archers tout de suite. Et sur ce morceau, sa voix Poison, sa voix fait vraiment des merveilles. Furies, ce sera demain soir du côté du Rock'n'It de Lyon. On sera le 28 octobre et ce sera une soirée déguisée. Yes, vous venez d'entendre Furies. Ils seront du côté du Rockin' It de Lyon demain soir en compagnie de Animalize le 28 octobre. Ça devrait être une superbe soirée déguisée pour Halloween. Qui plus est, on reste dans du français maintenant. Voilà pour le groupe Stubora, ça voit le jour sur MNO Music, écorché vif par ce groupe parisien, ce trio parisien de heavy rock alternatif. Grosse annonce de ce milieu de semaine, Dream Theater change de batteur, retour de Mike Portnoy au sein du combo de métal progressif américain. Donc on avait pu voir ça venir petit à petit puisque Mike Portnoy avait déjà joué sur l'album solo du guitariste John Petrucci. Il avait également reformé avec ce dernier le projet Liquid Tension Experiment, qui est d'autre que les membres de Dream Theater avec le bassiste Tommy Levin en instrumental. Et voilà, donc ils avaient commencé à rejouer un petit peu ensemble et c'est maintenant officiel. Mike Mangini qui a assuré maintenant l'intérim pendant 13 bonnes années au sein du groupe américain est remercié. Donc je pense que ces choses ont été décidées il y a de ça de nombreux mois, puisque Dream Theater a plutôt Mike Mangini a déjà lancé un projet solo qu'il a commencé à enregistrer en compagnie de l'ancienne guitariste de Evanescence, voilà, Jen Majora. Et donc on attend de voir ça, bien entendu une grosse tournée s'impose, un album également, pour l'heure, histoire de célébrer ce retour, puisque c'est quand même une sacrée annonce que voilà, donc Mike Portnoy de retour dans Dream Theater. On se passera un morceau qui n'est pas l'un des gros classiques du groupe de métal progressif. J'aurais pu passer hein, Images and Words, pas mal de choses, ou Metropolis Part 2, etc. J'ai choisi de passer The Best of Times, extrait de Black Clouds and Silver Lining, qui était rien d'autre que le dernier album sur lequel Mike Portnoy officiait à la batterie dans Dream Theater en 2009. Et ce morceau était en hommage au papa de Mike Portnoy, décédé. Alors, voilà, donc nos meilleurs moments. Et j'espère que ces meilleurs moments, ils en écriront de nouveau avec cette énergie nouvelle. On sentait, bien entendu, on a toujours senti lorsque Petrucci et Portnoy jouaient ensemble qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et cette magie avait un peu disparu au sein de Dream Theater, malgré toutes les capacités et techniques de Mike Mangini. Et puis les très bons albums qu'il a pu faire au sein du groupe. On s'envoie ça tout de suite avec une longue plage musicale, The Best of Times. Thank you. flying through each day. All the things I should have done, but time just slipped away. Remember, seize the day. In the blink of an eye, with so much left to say. These were the best of times. I'll miss these days. Your spirit lit my life each day. Most of all, Best of Times par le groupe Dream Theater pour célébrer le retour du batteur dans le groupe américain. On continue avec une nouveauté maintenant, ce sera Mass Hysteria. Mass Hysteria nous sort Tenace Part 2. Ils avaient fait le choix de diviser leur dernier album, leur dernière composition en deux EP de 6 titres ou 7 titres chacun. Et la deuxième partie voit le jour avec Tenace Part 2. On retrouve, alors je vais vous le dire exactement, cette composition. Voilà, il devait y avoir 14 morceaux. Ils ont préféré, à l'heure où les gens ont plutôt l'habitude maintenant de zapper les longs albums, préféré sortir un format un peu plus court pour être plus percutant. Ce sera L'air bien par Mass Hysteria Tenace Part 2. Ça voit le jour aujourd'hui même. Vous écoutez toujours Overdrive, Radio Dio. Thank you. Orion, and a comet rips the sky, the Holy Roman Empire rises, then you and I must die. Of the eternal sea he rises, creating armies on either shore, turning man against his brother, till man exists no more. Venez d'entendre le groupe Karas avec cet album de We Eat Their Young, sur lequel on retrouve le guitariste de Mass Hysteria. C'était le morceau Negative Life, bien entendu un côté assez, on va dire, hardcore. Voilà, on va continuer avec Svalbard tout de suite sur Overdrive Radio Duo. Et le morceau November, ça voit le jour sur Nuclear Blast, Svalbard, The Weight of a Mask. Et ce morceau pour fêter l'arrivée prochaine du mois de novembre. Ce sera 22h43 sur le 895 de Radio Duo. Thank you. Voilà pour Svalbard, The Weight of a Mask et le morceau November. On continue dans du métal dark et à tendance gothique avec On Four's I Lay, paru sur Season of Mist. Ce sera le morceau Newborn Skies, extrait de cet album éponyme qui va avoir le jour, qui a vu le jour il y a de ça quelques semaines. Un groupe d'ailleurs qui avait été repéré à la fin des années 90 par Holy Records et le chanteur bien entendu de Misanthrope Philippe Courtois qui gérait ce label à l'époque. On Thorns I Lay avec Newborn Skies. Voilà, on va se quitter au son de Mercure et de ce Moth-like extrait de l'album Spine qui vient de voir le jour pour cette chanteuse danoise qui a passé plusieurs années dans le milieu du black metal avant d'évoluer vers quelque chose de beaucoup plus folk maintenant. On rappelle le www.radiodio.org, on rappelle également le www.facebook.com/overdrive-radiodio pour retrouver les liens des podcasts, des émissions et les nouvelles de l'émission, tout simplement. Je vous souhaite un agréable week-end. Faites attention pendant Halloween. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 895 de Dio pour 90 minutes de musique et plus. Ciao, bye bye.